Il faut libérer l'enthalpie. Bordas, l'enthalpie. Viens t'expliquer le système chimique. L'enthalpie. Bordas connaît un système chimique fermé dont la composition varie en raison de l'existence de la réaction chimique. Lorsqu'on part d'un état initial quelconque, le système évolue irréversiblement dans le sens 1, de la gauche vers la droite, ou 2, de la droite vers la gauche, de façon à diminuer son équilibre. Lorsque l'état final est atteint, l'équilibre thermique et mécanique est réalisé. T et T sont les mêmes en tout point du système. Et la composition ne varie plus. État d'équilibre chimique du système. L'état d'équilibre chimique du système est atteint. L'équilibre atteint, toute félicitation. L'équilibre atteint. Toute modification de la facture de l'équilibre entraîne un déplacement dans un sens ou dans l'autre vers un nouvel état d'équilibre. C'est ça que Bordas a envie de dire ce soir. L'histoire de l'enthalpie. Et si on ne fait pas attention, il sera enfermé. Il faut la libérer. Il faut libérer l'enthalpie, brisez-lui les chaînes. L'enthalpie doit être libre, libre comme l'espace, libre comme le cosmos. Aucune trace que des ondes. Fini la matière et vive l'enthalpie libre. Et en talpiste, ça rime avec Nana Boscouri.